Bienvenue à Playback, une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. Aujourd'hui, le spécial Halloween. Avec votre animateur Pat Moore, préparez-vous pour toute une ambiance que de la musique à thème d'horreur et d'Halloween tirée directement de cette folle décennie. Alors, c'est un week-end de pleine lune, mes petits monstres. Remettez vos masques de Freddy et de Jason. Sortez vos sacs de bonbons. C'est l'heure de déambuler les rues ténébreuses. It's party time! Okay. Bienvenue, mesdames, messieurs. Vous écoutez Playback Radio 80 avec un épisode consacré aux chansons des années 80 qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à l'horreur, à l'occulte et à cette folle et fun fête annuelle de l'Halloween. S'il y en a plusieurs qui se sont demandé pourquoi je vous ai passé Every Breath You Take, je vous en reparle dans quelques minutes. Comme c'est souvent le cas à Playback, on aura un joyeux mélange de toutes sortes de styles. On aura du pop, de la musique de film, du métal et du punk rock. Et comme d'habitude, des chansons évidentes, des grands classiques et des moins évidentes. Et ce que je vous passe présentement comme trame de fond, c'est la musique thème du film Friday the 13th Part 3 de 1982. Alors, pour ouvrir cette émission du spécial Halloween, on a ouvert le tout premier bloc avec l'incontournable et l'évidente Ghostbusters de Ray Parker Jr., tiré de la trame sonore du film du même nom, un des plus gros films de 1984 ainsi que de la décennie entière. Un film qui ne vieillira sans doute jamais et un film qui conservera sans doute à tout jamais son statut de classique du cinéma. Donc, pour revenir à nos moutons, avant d'être connu pour son énorme succès Ghostbusters, Ray Parker Jr. est un musicien de session très en demande qui a composé et enregistré pour des noms comme Marvin Gaye, Stevie Wonder, Barry White, Diana Ross, Tina Turner et j'en passe. Alors, les producteurs du film de Ghostbusters avaient passé la commande auprès de Ray Parker Jr. pour composer et enregistrer la chanson thème d'un film à très gros budget. La seule pointe, c'est qu'il n'avait que 2 jours pour livrer la marchandise. On sait bien que les artistes ont besoin de travailler sous pression parfois, mais dans son cas, ça a été payant, puisque la chanson a été retenue et plus de 3 millions de copies du 45 tours ont été vendues par la suite cette année-là. La pièce a atteint les sommets des palmarès dans 8 pays ainsi que le top 10 dans 15 pays. Et dernier fait important que je ne peux omettre sur Ghostbusters, c'est que peu après la sortie du disque, Huey Lewis avait attaqué Ray Parker Jr. en justice pour plagiat, car Ghostbusters ressemblait légèrement à la chanson I Want a New Drug de Huey Lewis and the News, sortie un an avant Ghostbusters. L'affaire s'est finalement réglée hors cours en 1980. La deuxième pièce était réservée à une formation britannique très populaire de la décennie, le groupe Duran Duran, avec la pièce Hungry Like the Wolf, tirée de leur deuxième album Rio de 1982. C'est cette chanson qui a mis Duran Duran sur la map avec son vidéoclip à production plus avancée et élaborée pour son temps, et cette pièce a été instantanément en forte rotation sur la chaîne de télé américaine MTV. Par la suite, la chanson est devenue un hit international en atteignant les sommets des palmarès dans 8 pays. Pour la troisième chanson, nous avons entendu Bark at the Moon de Ozzy Osbourne, tiré de son troisième album solo du même nom en 1983. Un album qui a fini par vendre 3 millions de copies aux États-Unis à l'époque, et c'est le tout premier album studio d'Ozzy sans la participation du guitariste Randy Rhoads, qui est décédé un an avant. Ozzy avait finalement choisi les services du guitariste Jake Ealy pour cet album. Et pour la quatrième pièce de ce tout premier bloc, je vous ai passé le gros classique, une des plus grandes chansons des années 80 d'ailleurs, Every Breath You Take de The Police, tiré de leur cinquième et dernier album, Synchronicity, de 1983. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai fait passer cette toune-là, pourquoi il passe une ballade ou une chanson d'amour. Comment vous dire? Avez-vous déjà porté attention aux paroles? Si oui, si vous avez déjà pris la peine de bien lire et comprendre le texte de cet énorme succès, vous savez déjà sans doute que cette chanson est littéralement « creepy ». Le texte traite d'un amoureux ou d'un amant possessif qui hante, qui épie ou espionne les moindres gestes de son ex, et ce de manière obsessive. Si on sort cette chanson de son contexte normal de ballade d'amour et on la place dans un contexte un peu plus sombre, ça marche en masse, ça fit comme on dit. C'est une question de perception. Disons que c'est pas la chanson idéale à passer lors de la danse des nouveaux mariés selon moi. Bon, c'est le temps de repartir la musique. Vous savez que l'Halloween, c'est avant tout une fête pour les enfants. Et pour nous, les grands-enfants, les enfants de la génération 80, je nous réserve cette petite surprise ou ce bonbon pour débuter ce deuxième bloc. Playback Radio.

Spécial Halloween à l'émission Playback Radio 80. Ce que vous entendez présentement comme trame de fond est tiré du film Demons de 1985 avec une pièce intitulée Killing. Et je vous ai débuté le deuxième bloc avec la petite surprise que je vous ai promis, une pièce de Passe-partout, mesdames, messieurs, et oui, vous avez sans doute rapidement reconnu avec grande nostalgie la pièce La Nuit. Musique composée par Pierre F. Brault et les paroles de Bernard Tanguay. C'est justement ces deux qui ont composé toutes les chansons et comptines de Passe-partout Génération 1. Une chanson qui a été composée dans les alentours de 1978, mais qui est apparue sur l'album Passe-partout Volume 3 en 1981. On a par la suite entendu la plus évidente chanson associée à l'Halloween, l'incontournable et l'intemporel Thriller de Michael Jackson. Tiré de l'album du même nom de 1982, que dire de Thriller? Il y en a trop à dire, mais je peux bien commencer par vous dire que l'album lui-même avait vendu 32 millions d'exemplaires dans le monde, et ce, en seulement un an. L'album avait atteint le numéro 1 des palmarès des meilleurs vendeurs d'albums, et ce, pendant plus de 9 mois, et oui. Avec ce même album, Jackson raflait 8 Grammys en 84 et l'album avait produit 7 succès qui avaient tous atteint le top 10 des palmarès. Un paquet d'exploits dans le fond qui n'avait jamais été vu auparavant et selon plusieurs experts de l'industrie du disque, l'album avait sauvé l'industrie de la musique populaire. Depuis la fin des années 70, début 80, les ventes d'albums étaient en chute libre. Et que dire du vidéoclip? C'est le sujet principal de mon analyse présentement. C'était pas un simple vidéoclip, c'était un court-métrage de 13 minutes. Avec ses effets spéciaux, ses maquillages, ses chorégraphies élaborées pour l'époque, la vidéo avait été présentée en grande première mondiale vendredi le 2 décembre 1983. Et ici, au Québec, c'est à l'émission de Michel Jasmin, vendredi soir à 22h à Télémétropole, qu'on pouvait voir le clip pour la toute première fois. Je peux vous dire que le lundi matin à l'école, tout le monde en parlait dans le cours d'école. La plupart de mes amis m'avaient tous avoué qu'ils avaient fait des cauchemars cette fin de semaine-là. Ce fameux vidéoclip légendaire avait été tourné en 4 jours seulement avec un budget de 500 000 $ que Jackson a dû financer lui-même puisque sa maison de disques ne comprenait même pas sa vision et ne voyait pas l'utilité de promouvoir l'album davantage puisque l'album était numéro 1 et fracassait des records. L'album lui-même avait révolutionné le marché de la musique populaire et son vidéoclip avait révolutionné l'industrie du vidéoclip. Le réseau MTV avait atteint de nouveaux sommets. Avec Thriller, Michael Jackson est devenu la mégastar mondiale et une icône de la pop. Le vidéoclip Thriller compte aujourd'hui tout près de 700 millions de vues sur YouTube. La troisième chanson était réservée à Alice Cooper avec He's Back, The Man Behind the Mask, extrait de l'album Constrictor, sorti en 1986. Cette chanson était également le thème musical du film Friday the 13th, Part 6, Jason Lives. Une pièce beaucoup plus pop, à saveur quasi new wave, beaucoup moins rock que le son habituel de Alice Cooper. Le succès de cette pièce était plutôt faible, mais elle reste très populaire chez les fans de Alice Cooper ainsi que les fans de films d'horreur vintage. La quatrième pièce du dernier bloc est une pièce que je vous ai déjà passée lors de l'épisode 6 des One Hit Wonders. Mais cette fois-ci, je vous ai passé la version longue, la version du maxi-single de Somebody's Watching Me de 1984 d'un artiste au nom de Rockwell. Cette chanson qui revient souvent dans les parties d'Halloween traite de la paranoïa d'une personne qui se sent constamment suivie et observée. Je vous en ai déjà parlé, mais au départ, Michael Jackson avait enregistré les refrains en chœur avec son frère Jermaine. Mais à la demande de Berry Gordy, le big boss de Motown, le père de Rockwell justement, la voix de Jermaine Jackson a été retirée du mix pour seulement conserver la voix de Michael. En 1984, bien entendu, la vedette de l'heure était Michael Jackson, donc pour vendre plus de disques, on mettait l'accent sur lui. Donc, c'est le moment de remettre l'aiguille à la table tournante et laisser tourner les tunes. Et c'est reparti avec le groupe pop goth The Cure et Lullaby sur Playback.

breaking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Be buried in a bed cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life not again. Vous êtes toujours avec votre animateur Pat Moore au spécial Halloween à l'émission Playback Radio 80. Et ce que vous entendez présentement en trame de fond est la musique thème du film Return of the Living Dead, un film de 1985. Je vous ai ouvert le troisième bloc avec la formation britannique The Cure et la pièce Lullaby, extrait de leur huitième album Disintegration de 1989. Toujours considéré comme étant un des meilleurs albums de The Cure, Disintegration reste le plus gros vendeur de toute la discographie de The Cure. Avec quatre extraits à succès, et pourtant cet album n'avait rien de commercial, c'est un album qui marquait un retour à la forme ou au style initial de The Cure, qui était plutôt alternatif et gothique à la base. La pièce Lullaby que nous avons écoutée s'associe quand même très bien à l'Halloween, surtout en voyant son vidéoclip qui est très très mystérieux et même lugubre. La deuxième pièce était réservée à la formation américaine Punk Psycho Billy, The Cramps, avec I Was a Teenage Werewolf de l'album The Songs the Lord Taught Us de 1980. Le style et le terme Psychobilly a clairement été inventé par The Cramps, une formation grandement influencée par le vieux rockabilly des années 50 ainsi que par le surf et garage rock des années 60. Et c'est très apparent dans leur son. Mais ils apportaient un son un peu plus rough, un peu plus garage, qui faisait en sorte qu'ils ont toujours été associés au punk. Avec leur sujet et leur imagerie à la vieux film d'horreur rétro, je me devais absolument de passer une de leurs tunes dans ce spécial. La troisième pièce est, selon moi, une autre chanson très évidente à passer lors d'un spécial Halloween, et je parle de la pièce Number of the Beast de nul autre que Iron Maiden, tirée de leur troisième album du même nom, sorti en 1982. À sa sortie, cette chanson avait créé tout un émoi et une petite controverse chez plusieurs groupes religieux aux États-Unis qui interprétaient ou percevaient Maiden comme étant clairement satanique. Cela a créé quelques manifestations lors de la tournée américaine de Maiden en 82, ainsi que des organisations de séances de flambées d'albums de Maiden. Ces controverses plutôt ridicules et arriérées ont seulement contribué à faire parler de Maiden davantage, ainsi que d'augmenter leur popularité. The Number of the Beast reste une des chansons les plus importantes de Maiden, une pièce indispensable du répertoire du groupe. La quatrième chanson était du groupe rock and roll ou punk américain The Ramones, et la pièce Pet Cemetery de 1989, tiré de leur 11e album intitulé Brain Drain. Cette chanson était écrite et composée par le bassiste Didi Ramone pour le film Pet Cemetery, l'adaptation cinématographique du roman de Stephen King. Stephen King était un grand fan du groupe et les avait invités à sa résidence dans le Maine. King avait donné une copie de son roman à Didi et une heure plus tard, le bassiste avait déjà composé les paroles de la chanson. Et le vidéoclip avait été tourné au cimetière Sleepy Hollow de la ville de New York lors d'une nuit froide de janvier en 1989, tout pour créer la meilleure vibe possible. Alors, on repart la musique et ce prochain bloc est réservé à des extraits de trames sonores de films et ça commence avec la chanson thème du film The Lost Boys, version originale de Génération Perdue et la pièce intitulée Cry Little Sister. so green. I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long. And I've been putting out fire with gasoline. every strand of her hair was so beautiful. I can't believe she was only a dream tonight. I can't believe I won't see her again. Wishing she'd return. And the boulevard, but every blonde on display is a neon doll. They're all so flashy and try too hard. I can't believe you were only a dream. Baby, please return. I don't know how to find you. There's someone who is hiding you. I wish I knew. Well, that could be. I'm knocking down each door in town to find you. I see your face, that empty space. And it scares me, I scream, but no sound comes out. It must be blood, cause this isn't just sweat on my brow. I've got to believe you'll turn out to be real. Promise you'll return. Can't you see I'm burning? Merci d'être toujours à l'écoute de Playback Radio 80 et je vous rappelle que vous êtes au spécial Halloween des années 80. Et ce que je vous passe en fond sonore est le thème du film Night of the Demons de 1988. Le tout dernier bloc était réservé à des chansons tirées de différentes trames sonores de films, soit des films d'horreur ou même des comédies, qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à l'Halloween. Et comme j'ai mentionné au tout début du bloc, la première chanson était Cry, Little Sister de Gerard McMahon. Et c'est tiré de la trame sonore du film The Lost Boys de 1987. Un film réalisé par Joel Schumacher qui nous a malheureusement quittés le 22 juin dernier. Et c'est un film qui mettait en vedette le défunt Corey Haim et Corey Feldman et Kiefer Sutherland, entre autres. Cette même chanson avait été reprise aussi par Marilyn Manson en 2018. Par la suite, on a entendu le légendaire David Bowie et sa pièce « Cat People Putting Out Fire », extrait du film « Cat People », version originale de « La Féline » de 1982. Et cette chanson était composée par David Bowie ainsi que par le fameux compositeur et producteur italien Giorgio Moroder. David Bowie a voulu incorporer cette track sur son prochain album « Let's Dance » de 1983, mais pour une question de conflit de compagnie de disques, puisque la trame sonore était sur les disques MCA et Bowie était en contrat exclusif avec EMI. Donc, il a dû réarranger et tout réenregistrer la chanson pour la mettre sur son prochain album. La troisième chanson du dernier bloc pouvait ne pas vous sembler très halloweenesque, mais plutôt très pop et très années 80, mais cette chanson intitulée « Give it up » de Evelyn King était un extrait tiré de la trame sonore d'un film que vous vous souvenez fort probablement, le film « Fright Night ». Version originale du film « Vampire, vous avez dit vampire » de 1985. Et cette chanson passe dans une scène très marquante du film, la fameuse scène de discothèque. Et la dernière du bloc, une autre avec ses clichés aux sonorités très années 80, était une chanson intitulée « Flesh on Fire » de James House. Et c'est une pièce tirée de la comédie « Teen Wolf » de 1985, mettant en vedette Michael J. Fox. Et « Teen Wolf », c'est l'histoire d'un adolescent qui découvre qu'il descend d'une longue lignée de loups-garous. Teen Wolf, qui était une production très modeste avec un petit budget, avait été tourné juste avant que Fox fasse partie de la production de Back to the Future, deux films avec Michael J. Fox dans le rôle principal. Bien entendu, Back to the Future était une plus grosse production avec Steven Spielberg comme producteur. Donc, Teen Wolf a été lancé un mois après la sortie de Back to the Future en espérant qu'il profite un peu du succès de ce dernier. Les producteurs de Teen Wolf avaient misé juste puisque Back to the Future avait été un énorme blockbuster, le plus gros film de 1985, et Teen Wolf avait réussi à être deuxième place au box-office lors de sa première semaine dans les cinémas. Alors, il me reste encore un tout dernier bloc et je vous pars ça avec un classic rock track de AC/DC. Tiré de l'album Back in Black et Hell's Bells. We'll be right back. Ça sent la fin pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Playback, le 10e au total. Et ce que vous entendez présentement en track de fond est tiré du film A Nightmare on Elm Street, la version originale de Les Griffes de la Nuit, un film de 1984, en autres termes aussi Freddy 1. Et la pièce s'intitule Run Nancy. On a ouvert le dernier bloc avec AC/DC et Hell's Bells, tiré de l'album Back in Black, le 7e album du groupe, mais le tout premier avec le chanteur Brian Johnson, qui avait remplacé Bon Scott, le chanteur précédent, qui était décédé 6 mois plus tôt, et l'album rendait hommage à Bon Scott. Avec des ventes estimées à plus de 50 millions d'exemplaires, Back in Black est considéré comme un des plus gros vendeurs de l'histoire. La deuxième pièce était d'un groupe britannique New Wave, Bow Wow Wow, et la chanson I Want Candy, tirée de leur EP The Last of the Mohicans en 1982. Cette pièce est en réalité une reprise d'une vieille chanson du groupe The Strangeloves de 1965. Et la troisième chanson était du groupe horror punk du New Jersey, The Misfits, avec Horror Hotel, tiré du EP Three Hits from Hell de 1981. Et la pièce est inspirée du film du même nom de 1960. Et des tunes des Misfits, j'aurais pu en passer une tonne, tout leur répertoire en rapport avec l'horreur et l'Halloween. Et un peu comme The Cramps, mais en plus exagéré et plus hard, les Misfits tiraient leur inspiration des films d'horreur, de science-fiction rétro et de série B. Ce band culte formé en 1967 a fini par influencer une trolley de groupes punk, hardcore et même heavy metal. Et la toute dernière pièce de cette émission était du groupe heavy metal, justement le groupe Fastway, et la pièce Trick or Treat, tirée de leur album du même nom et de la trame sonore du film du même nom, un film plutôt série B de 1986, un film qui a quand même gardé son statut de film culte en quelque sorte, et un film qui contenait des apparitions de Gene Simmons de Kiss et nul autre que Ozzy Osbourne. Trick or Treat, un film avec un heureux mélange d'heavy metal et d'horreur. Un mélange fort intéressant selon moi, et c'est un film qui m'avait grandement plu en tant qu'adolescent. C'est terminé pour cet épisode spécial Halloween. Et comme à l'habitude, je vous quitte avec une toute dernière, mais je ne pouvais pas quitter sans rendre hommage à une légende, un des plus grands pionniers de la guitare électrique, un qui vient tout juste de nous quitter le 6 octobre. Je parle bien évidemment de Eddie Van Halen. J'ai tellement été sous le choc et attristé par la nouvelle, mais il faut avouer que 2020 est assez implacable en fait de mauvaises nouvelles. Mais pour fermer l'émission, je suis sorti un peu du moule, un peu de la décennie 80, et pour rester dans le thème de cet épisode, je vous passe le classique « Running with the Devil », tiré du tout premier album de Van Halen de 1978. Rest in peace, Eddie. À la prochaine, tout le monde.